Les comités préparatoires pour les journées du soleil et de la brillante étoile sont constitués respectivement en Algérie et au Congo. Les comités préparatoires projettent de présenter du 1er février au 15 avril, via les presses écrites et parlées, la vie révolutionnaire sacrée et les immortels exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, ainsi que la grandeur du dirigeant suprême Kim Jong-un, et d'organiser des cérémonies politico-culturelles comme rassemblements, conférences et séances de films. Par ailleurs, en Russie, le Conseil des vétérans de la guerre de Corée et la formation sociale régionale Borosino de Russie ont constitué en commun le comité préparatoire pour la journée de la brillante étoile.